Vous écoutez France Culture. Et à 9h06 sur France Culture, on vous retrouve Emmanuel Laurentin pour la Fabrique de l'Histoire. Oui, bonjour Aurélie Kiffer. Et aujourd'hui, et comme demain d'ailleurs, nous allons mettre l'accent justement sur la façon dont la Grande-Bretagne est entrée dans l'Europe. Aujourd'hui avec un grand témoin français, il était représentant de la communauté européenne à Londres pendant toutes les négociations des années 60. Et demain avec Sir Michael Palliser qui était le négociateur, un des négociateurs britanniques de cette entrée de la Grande-Bretagne en Europe. Puisque nous faisons toute la semaine, une semaine consacrée aux artisans de l'Europe à l'occasion du 60e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman. Comment intéresser les jeunes en particulier à l'histoire de l'Europe? On se pose souvent cette question et on se dit que ça n'est pas possible. Et pourtant, il y a là présent des mémoires vivantes de cette naissance de l'Europe et en particulier de cette déclaration du 9 mai 1950, la déclaration de Robert Schuman qui, au Quai d'Orsay, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, lançait la première communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était il y a 60 ans et nous avons décidé de vous proposer en réécoute certains des grands témoignages que nous avons recueillis auprès de grands artisans de l'Europe dans la Fabrique de l'Histoire depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous vous proposons, après les témoignages d'Étienne d'Avignon hier et de Max Constam lundi, celui de Georges Berthoin. Georges Berthoin était une sorte de témoin par accident au départ de cette histoire de l'Europe, puisqu'il avait d'abord donc un destin de préfectoral en Lorraine. Il a approché là la création de la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est engagé ensuite auprès de Jean Monnet dans l'administration naissante de l'Europe à Luxembourg. Et en 1956 a été nommé à la délégation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Londres. Il a ainsi pu voir, à partir de la crise de Suez jusqu'à la fin des années 70, comment, au bout du compte, eh bien, on avait négocié l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe, un sujet qui sera également au cœur de notre entretien de demain avec Sir Michael Palliser. Cette émission a déjà été diffusée le 12 janvier dernier et donc c'est le grand témoignage de Georges Berthoin sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe. Bonjour Georges Berthoin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors je résume brièvement les épisodes qui précèdent donc votre arrivée en Grande-Bretagne. Je l'ai dit en 1956. Vous êtes donc jeune résistant au tout début de la guerre. Vous participez à la guerre dans la résistance, en particulier du côté du Vercors. Et puis après la guerre, vous entrez dans la fonction publique après avoir tenté le concours de l'ENA tout juste créé et l'avoir raté d'ailleurs. Pour l'examen d'anglais, c'est ça, Georges Berthoin? J'ai eu zéro en anglais. Évidemment, c'était un mauvais début. Après, ça a été rattrapé par bien d'autres choses. Ça a été la chance de ma vie. Alors, oui, parce que cette chance, vous l'avez saisie, puisque ça n'est pas pour rien que j'ai précisé que vous étiez résistant. Les résistants, à ce moment-là, les jeunes résistants, bénéficiaient d'une prime qui était tout compte fait bien normale. Ils n'avaient pas pu suivre leurs études pendant tout à fait normal pendant la Seconde Guerre mondiale, et il bénéficiait d'une sorte de privilège qui était de pouvoir obtenir quelques bourses ou quelques possibilités supplémentaires pour pouvoir poursuivre leurs études. C'est ce qui vous est arrivé. Vous êtes allé aux États-Unis. Je suis allé aux j'avais quand même passé de licence pendant la guerre, mais pour essayer d'apprendre l'anglais, j'ai essayé de me mettre en situation d'immersion totale. Et j'ai donc postulé pour aller dans une université américaine. Et la chance a voulu que j'atterrisse à Harvard. Ça n'allait pas trop mal comme endroit. Mais je ne savais pas très bien ce que c'était à l'époque. Et le hasard a voulu que je sois dans l'Idaho Center, dont un des grands professeurs était professeur Elliott, qui était chargé d'essayer un certain nombre d'idées pour la mise en œuvre du plan Marshall. Et c'est comme ça que j'ai été assez jeune, engagé dans la grande politique internationale. Oui, alors c'est très étrange parce qu'effectivement, vous êtes très jeune à l'époque. Vous vous retrouvez dans ce milieu. Vous avez Schumpeter comme professeur, justement, oui, à Harvard. Et vous avez à discuter, puisqu'on teste un peu sur vous, le jeune Européen arrivé aux États-Unis. On teste un peu les formules possibles. On vous soumet en tant tant que jeune Européen, les solutions que auxquelles les Américains ont pensé à propos de la gestion de ce plan Marshall. Est-ce qu'il faut gérer avec les Européens? Comment, de quel rapport il faut-il entretenir entre les États-Unis et l'Europe? Et à ce moment-là, vous commencez à vous apercevoir qu'il y a un grand jeu qui se met en place, un nouveau grand jeu après cette Seconde Guerre mondiale. Soumet est un grand mot. Oui. Vous êtes testé, disons. Nous étions, c'était des cobayes sur lesquels on essayait un certain nombre d'idées. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'on acceptait la discussion des idées et on a recueilli un certain nombre de suggestions venant. Nous étions une poignée d'étudiants européens, donc nous étions assez représentatifs de ce que pouvaient penser des Européens, surtout les jeunes Européens. Dans le plan Marshall, il y avait une idée que l'on a mal expliquée plus tard, c'est pour l'Amérique de s'engager dans ce que serait l'avenir de l'Europe. On ne s'adressait pas simplement aux vieilles élites, mais aux nouvelles élites. Donc c'est à ce titre-là que j'étais amené à entrer dans ce qu'était la politique internationale. Alors, vous revenez en France, vous êtes donc au cabinet du ministre des Finances de l'époque. Vous avez à régler, ce qui n'est pas très simple, on donne cela généralement aux jeunes hauts fonctionnaires, à régler la succession de Pierre Laval. Oui. Dans un contexte d'après-guerre, ça n'était pas très simple. Y parvenez. Et puis, un peu par chance, un peu comme toujours dans ces cas-là, dans des moments de forte redistribution des cartes, eh bien, vous vous retrouvez embringué du côté de la Lorraine, là où vous allez vous retrouver du côté de chez Robert Schuman. Et vous allez lier une amitié avec Robert Schuman qui va guider d'une certaine façon tout le reste de votre carrière et de votre vie, Georges Berthoin. C'est pas tout à fait ça. Allez-y. C'est pas tout à fait ça. Robert Schuman était quelqu'un qui intervenait très peu, ou pas du tout, même dans la vie des gens qui travaillaient avec lui. Mais il se trouve que Vincent Auriol avait donné comme instruction au préfet LIGAM de la 6e région, André-Louis Dubois, une instruction qui était de tout faire pour éviter que Robert Schuman soit battu aux élections de 1951. Et ça sera votre rôle. Et ça sera mon rôle. J'étais chargé de cette opération qui était évidemment totalement secrète. Et ceci m'a amené, puisque j'en étais chargé, à voir Robert Schuman sur un plan personnel, ce qui, du point de vue de la hiérarchie de l'âge, n'avait aucune raison d'être, sauf cela. Néanmoins, c'est là aussi où Robert Schuman vous transmet, vous l'aviez déjà, cette fibre européenne, mais vous avez cette fibre européenne qui commence à s'incarner par la personnalité de Schuman. Il faut rappeler que c'est juste un an après sa déclaration, la fameuse déclaration Schuman. Absolument. Et en même temps, j'ai mieux compris l'importance de la déclaration Schuman parce que j'étais en Lorraine, en Alsace et en Champagne. J'ai pu voir physiquement ce que ces régions avaient souffert. Et souvent, en allant à Luxembourg, quand j'ai travaillé avec Monet, je passais un endroit où d'un côté, on voyait les restes de la ligne Siegfried et de l'autre côté, les restes de la ligne Maginot. Cette région avait été totalement détruite économiquement, par cette rivalité entre les deux pays et cette incertitude sur la place exacte de la frontière. Donc, je crois que je n'aurais pas compris si j'avais été à Perpignan. Oui. Mais tandis que là, j'ai compris ce que c'était la difficulté, le drame et les possibilités offertes par la déclaration Schuman. Alors, Schuman d'un côté, vous dites que ce n'est pas lui qui fait ma carrière. Effectivement, il se gardait bien d'intervenir dans les carrières de ceux qui lui étaient proches ou qu'il aimait bien. Mais en revanche, vous avez le culot d'une certaine façon de démarcher les nouvelles instances qui vont se mettre en place autour de Jean Monnet. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec Jean Monnet au Luxembourg dans le tout début de la haute autorité de la communauté du charbon et de l'acier. Ben, je suis allé le voir en lui disant je crois à votre projet. Et alors il a eu la réflexe de l'Américain. Il dit bon, pourquoi pas, essayons. Et nous avons essayé et ça a marché. Alors on va passer rapidement sur ces quelques années passées à Luxembourg avec Jean Monnet. Une fois que Jean Monnet laisse la main à son successeur à Luxembourg, vous pensez à repartir, peut-être une ambassade, peut-être autre chose, Georges Berthoin. Et là, tout compte fait, on vient vous proposer ou vous vous proposez vous-même pour ce poste de mission du côté de Londres en 1956. C'est René Maillère a succédé le nouveau, à Jean Monnet. René Maillère était déjà une très grande personnalité républicaine et ancien chef de gouvernement. Et c'est René Maillère qui me propose d'aller aux côtés de Max Kronstam ouvrir ce bureau de liaison pour suivre les problèmes de charbon et de l'acier qui devaient être traités en commun par les Britanniques et nous-mêmes, la haute autorité, à travers un conseil d'association. Alors, il faut dire effectivement qu'à cette époque-là, la Grande-Bretagne est encore une grande puissance industrielle, ce qu'elle sera peut-être un peu moins plus tard, comme toutes les puissances industrielles européennes, qu'il y a donc l'Iron Steel Board, qu'il y a le Coal Board, et qu'il faut donc tenir compte d'une certaine façon de l'existence en Europe, de l'autre côté du Channel, de cette grande puissance industrielle et minière, pour pouvoir justement savoir que faire dans le développement de cette nouvelle communauté européenne du charbon et de l'acier, Georges Bertoin. Alors, dès la déclaration de Schuman le 9 mai 1950, l'ambiguïté britannique est apparue. C'est-à-dire que ça suivra toute notre conversation, le terme d'ambiguïté britannique. Parce qu'en fait, c'est ce que vous avez retenu de toute cette expérience du rapport avec la Grande-Bretagne. Je n'aime pas la notion de perfide Albion, qui est un résumé qui montre des préjugés et une incompréhension totale de la situation. La diplomatie traditionnelle de tous nos pays, surtout les pays européens, est nécessairement ambiguë quand il s'agit d'un type nouveau de diplomatie qui était la diplomatie européenne. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais lorsque Schuman a fait sa déclaration, elle était ouverte non seulement à l'Allemagne, à la France, qui était l'élément nécessaire mais pas suffisant du processus. Elle s'adressait également aux Britanniques. Et les Britanniques ont hésité. L'une des raisons pour lesquelles les Britanniques, qui étaient à l'époque sous le gouvernement travailliste, pour lesquelles ils n'ont pas accepté la déclaration Schuman, c'est que les industries du charbon et de l'acier étaient nationalisées en Grande-Bretagne ou en cours de nationalisation. Et les travaillistes ne voulaient pas placer ces deux industries qui devenaient nationales sous une autorité supranationale. Donc c'était de ce point de vue-là, je crois que c'est une des raisons essentielles pour lesquelles ils ont refusé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un nouveau député, qui a critiqué le gouvernement travailliste pour ne pas accepter la déclaration Schuman. C'était Edward Heath, le futur Premier ministre qui a été l'artisan de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne. Mais donc, il y a eu cette ambiguïté. Mais il y a eu un changement considérable. C'est que pour la première fois dans l'histoire britannique, il n'allait pas s'opposer à une tentative d'unification du continent, alors que la politique traditionnelle était divisée pour régner. Et ceci était daté du discours prononcé en 1946 à Zurich par Winston Churchill, qui souhaitait... Les États-Unis d'Europe. Il a dit une sorte d'États-Unis d'Europe. Mais enfin, quand même, il avait prononcé le mot tabou. Bon, mais et en même temps, il disait que le premier stade vers cette sorte d'États-Unis d'Europe était la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et il ajoutait que ce processus devait avoir la bénédiction du British Empire. Donc, il pensait encore en termes d'empire britannique. Alors, c'est très important ce que vous dites là, Georges Bertoin, parce que cela nous permet d'entrer dans le cœur de ce sujet qui est le rapport de la Grande-Bretagne au monde, vu par le témoin que vous êtes. Donc, il y a à ce moment-là toujours ce qu'on appelle, et on continuera à l'appeler comme cela plus tard, la special relationship donc, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Qu'est-ce que c'est que cette relation spéciale donc, établie entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, et en quoi elle peut bouger, changer dans cette seconde moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui tremble dans l'Empire britannique, ce British Empire que vous décrivez par les mots de Winston Churchill? La relation spéciale entre la Grande-Bretagne et l'Amérique a un caractère sacré. C'est une relation née des conditions de la guerre. Si la Grande-Bretagne, qui restait seule après la défaite de la France en 1940, n'avait pas obtenu de façon officieuse d'abord et de façon officielle ensuite l'appui des États-Unis d'Amérique, elle aurait vraisemblablement eu des difficultés à survivre à l'assaut de l'Allemagne nazie. Donc, il y a cette relation. Et ensuite, se sont formées toute une série de collaborations sur le plan militaire, sur le plan des services de renseignement entre ces deux pays, tout en évitant de dire trop publiquement que l'Amérique a dépouillé une partie de l'Empire britannique. C'est-à-dire que les Britanniques ont transféré une partie des bijoux de la couronne pour pouvoir obtenir les moyens financiers d'avoir une aide américaine importante. Mais il y avait ça. Ensuite, il y a, et Churchill a écrit un livre aussi remarquable sur le English Speaking World. Je pense qu'avoir prononcé correctement. Mieux que moi, en tous les cas. Le English Speaking World, c'est la solidarité d'une langue. Nous, en France, nous insistons sur les solidarités nées de la francophonie. Eh bien, dans le cas britannique, cette solidarité linguistique est considérable. D'autant que les élites formées dans les pays de langue anglaise ont plus ou moins directement accepter la référence à Oxford ou Cambridge. Donc il y avait cette solidarité-là. Et après la guerre, insister sur cette relation spéciale était un moyen pour la Grande-Bretagne de survivre à un niveau que sa puissance militaire et économique ne justifiait pas. Mais alors justement, comment parler de British Empire, comme le faisait Winston Churchill à ce moment-là, alors que le plus beau des bijoux de la couronne était devenu indépendant, donc toute la péninsule indienne, et qu'à partir de ce moment-là, bien des choses changeaient dans la tête des Anglais, dans leur rapport au monde. Et vous avez dû en avoir une sorte de confirmation, puisque il faut dire que vous arrivez en Grande-Bretagne en 1956, que vous y arrivez au moment de la crise de Suez, et que vous entendez, dites-vous, à l'automne 1956, dans un grand dîner au Guildhall, un vieil Anglais qui dit, alors je ne dirai pas en anglais, c'est la fin de l'Empire britannique et de la relation spéciale avec les États-Unis. Nous devons joindre l'Europe parce que, entre-temps, il y a cette crise de Suez, cette aventure donc franco-anglaise à Suez, qui est l'artère qui normalement relie Londres à son empire asiatique et en particulier à la péninsule indienne. Et cette artère est coupée par la volonté de Nasser. Oui, et ce qui a frappé l'opinion britannique dans des conditions qu'on a beaucoup sous-estimées mais qui ont été très profondes, c'est que c'est une action conjointe soviéto-américaine, c'est la première fois que cela se passait, qui forçait les Français et les Britanniques et les Israéliens à stopper une opération militaire qui, du point de vue purement technique, était en train de réussir. Donc là, ça a été la rupture de famille, si je puis dire, qui a commencé. C'était le début d'une conversion européenne, d'un retour vers la famille européenne. Alors racontez-nous cette scène que vous décrivez dans un entretien que vous avez donné auparavant à la fin de l'année dernière. Racontez-nous cette scène de la Chambre des communes. Vous assistez à une scène assez remarquable qui, d'une certaine façon, illustre ce que vous venez de dire, Georges Berthoin, à la Chambre des communes, au moment, justement, de cette crise de Suez. Alors, le débat... D'ailleurs, c'est assez amusant de voir, parce qu'en Grande-Bretagne, le non-écrit est évidemment le plus important. J'étais dans la galerie du public. Or, le public n'est pas censé assister au débat de la Chambre des communes. Mais on ne le voit pas. Et lorsqu'on veut faire évacuer les tribunes du public, un député peut dire au speaker... Monsieur le Speaker, il y a quelques personnes dans la salle. Et tout d'un coup, on dit « Ah, oui !» Et on constate que, comme il est interdit d'assister au débat, il faut faire évacuer les tribunes du public. Alors, il y a quelque chose de physique. À la différence de notre Parlement, l'opposition et la majorité se font face. Il ne s'agit pas d'un hémicycle. Donc, le Premier ministre, qui était Eden, parle sans cesse à l'opposition. Il a derrière lui ses troupes. Les députés qui le soutiennent. Le soutiennent. Et pendant le débat, Bevan, qui était de la gauche travailliste, le soutenait. Et la nouvelle vient de l'intervention soviéto-américaine, et en séance, Bevan change de point de vue et ne soutient plus l'expédition de Suez qu'expliquait Eden. Et j'ai vu Eden, à ce moment-là, commencer à se tourner derrière lui parce que physiquement, il sentait qu'il perdait le soutien de sa majorité. Et il savait qu'il avait perdu. D'ailleurs, je lui en ai parlé après, il a su qu'il avait perdu la bataille. Et j'ai eu souvent l'occasion d'en parler à des premiers ministres. Cet élément physique est très important dans la compréhension du non-dit du débat. Alors, c'est un moment où on sent, quand on est à Londres, que la Grande-Bretagne et son empire, c'est en train de se fissurer. Cette aventure de Suez fait partie de ce moment comme ça de délitement progressif de l'empire. Mais néanmoins, vous dites que d'être à Londres en 1956, et d'y rester, vous y restez jusqu'en 1973, Georges Berthoin, d'être à Londres en 1956, eh bien, c'est d'être dans un endroit où le monde passe, tout le monde passe par Londres, dites-vous. Il y a là un milieu diplomatique intense, des relations qui tiennent justement à cette relation spéciale de la Grande-Bretagne avec les États-Unis. Tout cela, ça fait que quand on est là, eh bien, on est un peu dans un endroit où bat le monde des années 50-60. C'est un des cœurs du monde. Ça le reste, mais du point de vue financier aujourd'hui, c'est différent. Mais sur le plan diplomatique, tout ce qui compte en Asie, avec une exception, la Chine à l'époque s'était isolée et les relations entre Grande-Bretagne et Japon étaient extrêmement difficiles. Le film de le pont de la River Kwai avait eu énormément d'impact, mais Australie, Nouvelle-Zélande, l'Inde, le Pakistan, l'Afrique du Sud qui n'était pas encore exclue du Commonwealth, le Canada, enfin tous les pays d'Afrique anglophones, tout le monde passait là. Et en plus, une grande partie de l'Europe. Et les relations entre Londres et Moscou étaient également des relations assez intenses, compliquées. Donc tout le monde entier passait à Londres. Et Londres avait encore les réflexes de la capitale mondiale. Oui. Et c'est ce réflexe-là qui, petit à petit, allait être modifié par les événements. Alors, cela fait tout de même que donc, cette petite mission, ça n'est pas vraiment une ambassade dans laquelle vous vous trouvez. Pas du tout. Ça porte quel nom, d'ailleurs, cet endroit où vous vous trouvez? Vous avez donc pris en bail, donc, du côté de Belgrave Square, un petit hôtel particulier au rez-de-chaussée duquel vous vivez ou au sous-sol pendant la première année. Il y a un éditeur de cartes postales l'Est qui continue à travailler en même temps que vous travaillez pour les instances européennes sur place. Pour une courte période. Oui, c'est ça, ça dure quelques mois. Mais néanmoins, donc, vous avez cet hôtel de Belgrave Square. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Et qu'est-ce que vous y faites exactement, Georges Berthoin? Parce qu'au départ, on se dit que c'est une simple représentation de la communauté européenne du charbon et de l'acier à Londres. Mais c'est bien plus que cela, Georges Berthoin. C'est un bureau de liaison pour s'occuper du conseil d'association consacré au charbon et à l'acier. Bon, mais il y avait pas grand-chose à faire. Donc, vous vous occupiez en faisant autre chose que ce qui était votre mission. En s'occupant en s'occupant d'Europe. et au début, nous avons eu des grosses difficultés à nous faire accepter. Les ambassades traditionnelles n'avaient pas une estime débordante pour ce que nous représentions. On pensait qu'on était une sorte de bureau d'achat, puisque même, j'ai raconté par ailleurs, que l'une de nos négociations immobilières avait échoué parce que les voisins avaient peur que nous déposions des sacs de charbon et de ferraille sur le trottoir. C'est vous dire que le point de démarrage était... La méconnaissance était grande. Elle était grande, malgré explications d'avocats britanniques, etc. Donc, nous n'étions pas acceptés. Les Britanniques eux-mêmes, les officiels, trouvaient que nous étions une organisation très, très bizarre. Si bien que les gens qui nous ont aidés étaient ceux qui étaient européens, pro-européens. Et petit à petit, nous sommes devenus une sorte de représentation de l'idéal européen. Et très rapidement, j'ai d'ailleurs grâce à des syndicalistes britanniques, un jeune député débutant qui s'appelait Roy Jenkins. On a fait des conférences ensemble. Je me souviens d'ailleurs, comme il était un homme qui aimait la très bonne vie, d'une réunion chez les Quakers où il n'y avait que de l'eau. Et il m'invite dans sa chambre et nous avons bu un merveilleux Bordeaux dans des gobelets de plastique. Donc il y a eu des rapports personnels considérables. Et c'est par la petite porte que nous sommes entrés dans la structure dirigeante britannique, et surtout grâce aux tout jeunes membres de cette élite britannique qui sont devenus des gens importants, si bien qu'ils se sont créés des liens d'amitié et de confiance personnelle absolument exceptionnels, dont aucune mission diplomatique ne pouvait bénéficier à ce degré. Alors, tout de même, ce qui est important, c'est de dire, donc Georges Berthoin, c'est qu'on est à un moment où on parle de « wind of change » en Grande-Bretagne. Le vent du changement, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est utilisé, évidemment, comme souvent les formules politiques, ça peut être retourné contre celui qui l'a prononcé. C'est Macmillan qui en parle. Qu'est-ce que veut dire Macmillan quand il parle de ce vent du changement et comment cela se traduit en termes de rapport de la Grande-Bretagne au reste du monde? Il a utilisé cette formule au cours d'un voyage en Afrique du Sud. Donc, j'interprète cette expression « wind of change » de trois façons. D'abord, changement à l'intérieur du système colonial, de l'Empire vers le Commonwealth. Dans le cas de l'Afrique du Sud, c'était une indication que le système d'apartheid un jour devrait disparaître. Et finalement, wind of change voulait dire également que les relations entre la Grande-Bretagne et le continent européen et ce qui s'y faisait devait changer. Macmillan personnellement était très européen, à l'anglaise, mais il était très européen. Donc c'est comme cela que je comprends la notion de wind of change. Et en même temps, je constatais, après Suez, que les Britanniques savaient qu'ils étaient en train de perdre leur empire et de perdre la position exceptionnelle qu'ils avaient. Il ne faut pas oublier qu'ils ont gouverné le plus grand empire de l'histoire humaine et qu'il fallait... Il faudrait petit à petit trouver un nouveau rôle. Et le rôle n'était pas nécessairement d'être un partenaire, un junior partner des États-Unis, mais peut-être d'être le senior partner de ce qui se ferait en Europe. Et c'est les hésitations britanniques qui ont duré plusieurs années, même les opérations pour empêcher des progrès dans l'unité européenne, ont fait perdre à la Grande-Bretagne la possibilité de jouer ce rôle de senior. Et certains Britanniques voulaient jouer ce rôle-là. Ils savent qu'ils ont raté leur occasion et ils ne sont pas en position de senior. Alors, venons-en justement à ce que vous appelez être européen à l'anglaise ou à ce que vous avez appelé un peu plus tôt, Georges Berthoin, les ambiguïtés de la politique britannique vis-à-vis de l'Europe. Comment cela se traduit-il et qu'est-ce que cela signifie, vous qui avez été témoin de cette longue histoire des rapports entre la Grande-Bretagne et la construction européenne, donc entre 1956 et 1973 au moins, qu'est-ce que cela signifie? Donc comment cela se traduit-il? Qu'est-ce que vous avez comme anecdote, comme histoire à nous raconter qui montre justement ce rapport un peu compliqué des gouvernements britanniques successifs, qu'ils soient d'ailleurs travaillistes ou conservateurs, vis-à-vis de l'Europe? Oui, mais si vous permettez, tout le monde est ambigu à l'égard de l'Europe. Tout le monde est ambigu. Oui, bien sûr. Bon, il y a une ambiguïté française. On pourra en parler. Qui est considérable. Donc, d'ailleurs, dans les Britanniques se sont souvent servis pour freiner en passant par Paris. Bon, il n'y a pas eu d'ambiguïté allemande au début pour la simple raison qu'il n'y avait plus d'Allemagne. Et que le retour vers la souveraineté, la dignité, la présence historique, etc., passait par l'Europe. Il n'y avait pas véritablement d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative. Bon, il y a eu une ambiguïté néerlandaise et belge, incontestablement. Le Luxembourg a gagné dans sa souveraineté en devenant européen, parce qu'après tout, c'était une principauté assez modeste, etc. etc. Bon, l'Italie a été... L'Italie a eu tel soubresaut dans sa politique qu'elle retrouvait un sens de direction, etc. Et l'idée européenne, après tout, ils sont... successeur de l'Empire romain, n'était pas sans résonance historique, si vous voulez. Bon, quant à nous, nous étions très ambigus, et donc chacun a été ambigu à sa façon, et il y a eu cette ambiguïté anglaise. Mais elle a été beaucoup plus grave parce qu'ils n'ont pas participé à cette aventure à l'origine, dès l'origine. Et il est très difficile de rattraper... une initiative, de faire partie d'une initiative dont on n'a pas été l'un des fondateurs. Et ça, c'est un des éléments qui a toujours gêné les Britanniques et qui continue d'ailleurs à les gêner. Bon, donc, cette ambiguïté britannique a existé. Alors, je l'ai étudiée de très près et je dois dire que pour la comprendre, j'ai relu les livres d'histoire de l'époque napoléonienne. C'est-à-dire que j'ai retrouvé dans l'attitude diplomatique britannique certaines des pratiques diplomatiques, des manœuvres qu'ils ont utilisées pour faire en sorte que Napoléon ne réussisse pas dans sa tentative d'unité européenne. Mais il y a eu une grande différence. Et c'est la raison pour laquelle les Britanniques étaient très intrigués par ce que nous faisions. C'était la première fois qu'on tentait une unification européenne sans moyens militaires, sans moyens de coercition. Donc, ils ne pouvaient pas organiser des coalitions, des alliances militaires pour contrecarrer telle ou telle opération. Et c'est cet aspect pacifique qui a incontestablement désarçonné les Britanniques, d'autant que certains de leurs grands dirigeants comprenaient parfaitement de quoi il s'agissait. Et en plus, la politique européenne que nous suivions n'était pas une politique de conquête. Nous ne cherchions pas à faire la conquête des Britanniques, à débarquer en Grande-Bretagne. Nous cherchions à montrer aux Britanniques que ce que nous faisions n'était pas fait contre eux et que cela représentait leur meilleure chance d'avenir. C'était totalement différent de ce qu'était la diplomatie traditionnelle. Alors, visiblement, les balles ont une certaine importance dans la diplomatie de l'époque. Et vous racontez, Georges Berthoin, vous racontez qu'à un moment, vous avez vent, comme ça, par une de vos cavalières, je crois, de ce qui s'est dit de la part du Premier ministre de l'époque, de ce qui lui a été confié par ce Premier ministre de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela? Parce que c'est une anecdote assez savoureuse qui d'ailleurs dit beaucoup de ce que vous appelez donc justement l'Europe à l'anglaise telle qu'elle a été conçue par Macmillan. Oui, c'est une petite histoire qui malheureusement a pris maintenant des proportions importantes parce que ça a été publié dans certains livres. Je me trouve à dîner, je ne dansais pas avec cette jeune femme, à côté d'une charmante jeune femme. Je cherche un sujet de conversation, je n'en trouve pas et finalement je lui demande, lorsque vous dansez, est-ce que vous préférez que votre cavalier se taise ou parle? C'est une question importante d'ailleurs. Bon. Et elle me dit, ah, mais justement, il y a deux jours, je dansais avec le Premier ministre, M. Macmillan, et comme les jeunes filles bien élevées, qui ne savent pas très bien quoi dire quand elles dansent avec des messieurs importants, elle utilisait les titres de première page du journal en disant, voilà, c'est un sujet, et après ça, le monsieur fait son monologue, elle est tranquille. Et comme on venait, Macmillan venait de faire son discours à la Chambre des communes pour annoncer son souhait d'ouvrir les négociations avec la communauté européenne, elle lui dit, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce marché commun? Et c'est à ce moment-là qu'il a répondu, je vous le dis en français. Alors. Ou en anglais, allez-y, je traduirai. Don't worry, my dear, we shall embrace them destructively. Ne vous inquiétez pas, ma chère, nous allons les embrasser de manière destructive. Voilà, et alors j'ai écrit une lettre à Hallstein et à Monet pour leur signaler, pas pour leur raconter l'histoire directement, mais que de source sûre, il semblait que les intentions de M. Macmillan étaient destructives. En fait, je pouvais rapporter ceci parce que, en plein débat de la Chambre des communes, Michael Foot, au nom de l'opposition travailliste, avait expliqué en réponse au discours de Macmillan, j'ai dit, si nous comprenons bien, vous voulez rejoindre une équipe de football, mais vous voulez changer les règles de telle sorte qu'à la fin, ce sera une équipe de cricket. Donc, comme ça avait été dit en public, je pouvais raconter cette histoire privée. Ouais. Alors, tout de même, cela veut dire que une fois que le coup est parti, donc le traité de Rome, qu'ensuite les six commencent à installer les instances européennes, on se dit, du côté de Londres, il faut peut-être faire quelque chose, rejoindre cette nouvelle alliance qui est en train de se faire sur le continent. Mais dans quelles conditions? Et c'est toute la question des conditions d'amarrage, pourrait-on dire, de la Grande-Bretagne au reste de l'Europe qui vont être posées pendant toutes les années 60. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il le faire? Par quels moyens, justement, amarrer la Grande-Bretagne à l'Europe? Ça sera un de vos rôles que de discuter avec les responsables britanniques de ces conditions, Georges Berthois? La négociation, à proprement parler, était menée d'abord à Bruxelles. Je voulais quand même faire un petit retour en arrière. Pendant que nous étions en train de négocier le traité de Rome entre nous, la Grande-Bretagne a essayé d'organiser des contre-feux. Ils ont voulu faire une sorte de contre-traité de Rome. Et notamment, l'image d'ailleurs a été utilisée, de mettre le sucre dans une tasse de thé, c'est-à-dire que le marché commun soit entouré d'une grande zone de libre-échange et que petit à petit, elle arrive à se dissoudre à l'intérieur de cette grande zone de libre-échange. Et il y a eu un reste de cette stratégie qui a été la création de la zone de libre-échange, la ULE ou l'EFTA, etc. Bon. L'opération n'a pas réussi. Et les Britanniques ont été étonnés de la réussite de la négociation du traité de Rome et surtout du fait que quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, il n'a pas mis en cause le traité de Rome parce que les gaullistes n'avaient pas voté. Mais il pensait que le général de Gaulle allait, si je puis dire, opter pour une Europe à l'anglaise. Oui, parce qu'en fait, il pariait sur les ambiguïtés du général de Gaulle soi-même. Oui, lui aussi était ambigu, parce qu'il avait un côté européen, mais en même temps, c'était l'Europe des nations, c'était pas du tout l'Europe de Jean Monnet, etc. Bon, lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, à la surprise, mais je me souviens, j'ai un déjeuner avec le négociateur britannique, me disant, lorsqu'il a appris que le général de Gaulle demandait l'application du traité et l'accélération de sa mise en œuvre, et il a dit, nous avons perdu. Donc, cet espoir-là disparaissait. Bon. Alors, ils ont cherché à voir comment se réintégrer dans le jeu européen. Et quand Macmillan a demandé à ouvrir des négociations, c'est intéressant d'ailleurs, les historiens devraient voir les textes exacts. Il n'a pas demandé, de la déclaration de Macmillan, il n'a pas demandé à entrer en négociation. Il voulait savoir si on pouvait réunir les conditions qui permettraient ensuite de... Autrement dit, il espérait pouvoir changer de l'extérieur un certain nombre de dispositions du traité pour voir si, alors, il y avait lieu de négocier ou pas. Bon, ça n'a pas marché. Et la manière dont les Britanniques ont abordé le sujet a été, à mon avis, maladroite. Certains disent machiavélique. En tous les cas, elle était maladroite, c'est-à-dire que ça a conduit au veto du général de Gaulle. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, le général de Gaulle a assassiné un cadavre parce que la négociation ne pouvait pas réussir. Alors, on va venir à ce veto, mais hier, nous diffusions un documentaire où nous nous rappelions de ce voyage de 1960 du général de Gaulle à Londres. Est-ce que vous analysez le succès, l'accueil formidable qu'a reçu le général de Gaulle, justement, dans ce rapport que la Grande-Bretagne voulait avoir avec la France, l'instrumentaliser dans le sens qui l'intéressait ou pas du tout? Est-ce que c'était simplement une visite diplomatique qui faisait plaisir aux Britanniques en 1960 que de recevoir le général de Gaulle 20 ans après son aventure londonienne? C'était beaucoup plus que ça. Si vous voulez, pour les Britanniques, ceux qui ont été à Londres pendant la guerre avaient une place spéciale dans le conscient, le subconscient britannique. Et il y avait pour le général de Gaulle un respect considérable. Je me trouvais à Whitehall, des balcons, avec des parlementaires travaillistes. Et au moment où on a vu arriver dans Whitehall le général de Gaulle, je les ai vus pleurer en disant « Voilà le vieux guerrier qui revient ». C'est beaucoup plus qu'une visite diplomatique. C'était une visite sentimentale, profonde, qui en même temps faisait revivre au peuple de Londres son courage, sa gloire de la guerre. Et ils célébraient celui qui était à leur côté dans cette période-là. Mais alors, quelle douche froide, parce que 3 ans plus tard, le veto de Gaulle à l'entrée de la Grande-Bretagne, en 63, ça doit faire très drôle tout de même aux Britanniques. Non, ce n'est pas une douche froide. Vous savez, les relations entre... Mais très intéressant, les relations entre Britanniques et Français sont des relations de vieux couples. Il y a un autre couple avec l'Allemagne, il n'a pas du tout le même caractère. Ce sont deux civilisations, deux élites qui ne se comprennent pas et qui s'admirent. Et De Gaulle a été traité comme aucun chef d'État n'a été traité. C'est-à-dire qu'en même temps, on célébrait l'homme de la guerre et de la résistance, mais en même temps, on voulait essayer d'utiliser tous les moyens possibles pour le séduire. Mais ce n'était pas un homme qui se laissait facilement séduire. Et il y a un discours qui était extraordinaire, le discours qu'il a prononcé devant les deux chambres réunies sur les institutions britanniques, pour lesquelles il avait le plus grand respect. Et en même temps, il y a eu la performance. Le discours, il l'a prononcé en français. Et sur les chaises de chacun des parlementaires, il y avait la traduction anglaise, le texte. Et les gens suivaient, qui comprenaient les deux langues. Le général, sans le moindre papier, a prononcé ce discours. Il n'a pas fait une faute de mémoire, etc. Donc, si vous voulez, la performance intellectuelle, physique et oratoire a également frappé les Britanniques. Mais il ne s'est pas laissé séduire, parce qu'il avait d'abord eu l'habitude de négocier avec les Britanniques, en position de faiblesse à l'origine, et là, maintenant, en position de force. Et il n'a été séduit ni par la faiblesse, ni par la force. Il a toujours gardé sa ligne constante. Donc, les Britanniques étaient impressionnés de la résurrection française, qui, selon moi, et le résultat de l'action conjointe de Gaulle et Monet, dans des aspects tout à fait différents. Mais moi, j'ai connu l'Europe, la France de 1940. C'était un effondrement total. Et par l'action des troupes françaises, des Français libres, la résistance, etc., nous avons réussi une certaine renaissance. Mais personne ne pouvait penser que le succès serait de cette ampleur. Or, De Gaulle, il ne faut pas l'oublier, a réussi à placer la France parmi les grands pays vainqueurs, d'où le siège avec veto aux Nations Unies. Et Monet a réussi la reconstruction française dans des conditions considérables et, par l'initiative de Schuman, a placé la France au centre de la nouveauté diplomatique. Et ça, les Anglais, qui sont des gens qui comprennent parfaitement ces choses-là, avaient une admiration pour l'un et pour l'autre. Alors, il y a ce veto de 1963, dont vous dites qu'il était de toute façon mal parti. La négociation de 1963 était mal partie, puisque vous expliquez, vous qui êtes un fin connaisseur de la vie politique britannique, qu'il avait mal procédé dans son calendrier, d'une certaine façon, et qu'il avait mis la charrue avant les bœufs en présentant donc sa négociation, en menant sa négociation à l'automne, ce qui ne se fait pas, dites-vous, dans la vie politique britannique. La vie politique britannique est un cycle assez régulier, si je puis dire. Ce sont les conférences d'automne. En automne, il y a la conférence des trois partis politiques, les travaillistes, les conservateurs et les libéraux. Il y a la conférence des premiers ministres du Commonwealth, il y a la conférence des syndicats. Donc, c'est à ce moment-là que le pays s'explique avec lui-même. Lorsqu'il y a une négociation difficile, le Premier ministre souvent peut dire aux négociateurs d'en face, je peux avoir des difficultés à l'automne, donc il faudrait faire telle ou telle, telle concession, etc. Mais on aborde les problèmes difficiles, en général, en fin de printemps. Bon, avant ces conférences d'automne. Parce qu'à ce moment-là, il y a un travail de pression politique, ce qui fait que si le Premier ministre pense qu'il faut aller de l'avant, il utilisera la nécessité d'aboutir auprès des pendant les conférences d'automne et il les convaincra, parce que c'est là qu'il recueille une grande partie de sa légitimité. Mais si on n'a pas abordé les grands problèmes, et ça a été le cas, on a abordé des problèmes plutôt marginaux, périphériques, à ce moment-là, il risque d'arriver à l'automne, et avant d'avoir entamé les négociations et esquissé les compromis possibles, il risque d'être victime de veto de la part de ces différentes conférences, et c'est ce qui s'est passé. Donc il était ligoté, il ne pouvait plus négocier. Et c'est pour ça que le veto français, d'une certaine façon, tire d'un mauvais pas, dites-vous, en renversant la proposition, le Premier ministre Macmillan, parce que de toute façon, c'était une négociation qui était déjà morte, selon vous, et qui ne pouvait pas aboutir, quoi. Je ne sais pas si ça le tire d'un mauvais pas, mais il n'avait plus de marge de négociation. Et le résultat, c'est qu'à ce moment-là, le général de Gaulle, en prononçant publiquement le veto pour une affaire qui, à mon avis, était morte, apparaît comme celui auprès duquel il faudra se rendre le jour où on voudra réouvrir la négociation. Donc, ce ne serait plus à Bruxelles, mais c'est à Paris, et c'est ce qui s'est produit avec Pompidou. Alors, c'est quelque chose de très intéressant, parce que pendant ces années 60, à la fois la musique britannique, un certain cinéma britannique s'exporte très bien dans le reste du monde, et d'une certaine façon, on voit une sorte de dynamisme britannique, mais l'économie britannique commence à s'effondrer, et c'est vers la fin des années 60 qu'on s'aperçoit que la Grande-Bretagne n'est plus du tout ce que vous avez décrit auparavant, Georges Berthoin, ce grand empire qui règne sur le monde, mais un pays relativement petit, souffreteux, malade justement de la disparition de son empire, l'homme malade de l'Europe, comme on disait, de la Turquie au 19e siècle et de l'Empire ottoman au 19e siècle. On le disait à l'époque de la Grande-Bretagne. Oui, c'est ça. Oui, et c'est la raison pour laquelle, lorsque Heath a repris la négociation comme Premier ministre, il a été impressionné et influencé par le fait que le général de Gaulle a utilisé la mise en place du marché commun pour faire renaître l'économie française sous l'influence du rapport Rueff-Armand. Donc, il voulait utiliser le marché commun, l'élément de concurrence, si je puis dire, concurrence bien tempérée du marché commun pour sortir de cet état de maladie. Alors, c'est tout à fait évident. Il a échoué. Et c'est tout à fait évident, Georges Berthoin, ce que vous racontez dans vos souvenirs, dans la façon dont vous voyez cette période des années 60 et les négociations qui s'arrêtent, qui reprennent différemment tout au long des années 60. C'est tout à fait évident, dites-vous, qu'il y a cette Europe à l'anglaise, telle qu'elle est vue par les Britanniques, quels que soient les gouvernements. Vous mentionnez le cas, par exemple, d'un ministre des Affaires européennes qui s'appelle Lord Chalfont, je crois, avec lequel vous avez quelques démêlés quand vous êtes à Londres. Pour vous, c'est un faux européen, et pourtant, il est ministre des Affaires européennes. Il y a toujours cette ambiguïté anglaise, même s'il y a une ambiguïté française également de l'autre côté, vis-à-vis de l'Europe. Comment vous la décrivez et comment se met-elle en œuvre pendant toute cette période des années 60, Georges Berthoin? Je ne peux pas dire que c'était un faux européen. Il avait une mission. C'est que la deuxième tentative à l'époque du Premier ministre Wilson n'aboutissait à rien. Le général de Gaulle se dérobait. Wilson n'était pas tellement européen. Donc, Chalfont était chargé de montrer à l'opinion continentale que la Grande-Bretagne était prête à aller très loin dans la direction même du fédéralisme européen. Et là, il fallait un discours européen, il fallait faire des colonnes de papier, dites-vous. D'ailleurs, il m'a dit un jour, plus les colonnes sont longues dans la presse continentale, mieux c'est. Bon, c'est là où j'ai pensé à l'époque de Napoléon. C'est l'époque de Napoléon, il ne fallait pas, il fallait organiser des coalitions qui ne permettent pas à Napoléon de profiter des fruits de ses victoires. Il fallait sans cesse qu'il soit sur le qui-vive. J'en ai discuté avec des historiens britanniques à l'époque. Ils faisaient eux-mêmes la comparaison entre cette opération, mais qui cette fois se faisait par des colonnes de journaux et non pas par des colonnes militaires. Donc, occuper le terrain. Mais c'était artificiel. Alors, il nous reste malheureusement que quelques minutes pour conclure cette discussion. Georges Berthoin, comment, malgré tous ces aléas, ces allers-retours, ces difficultés, comment, au bout du compte, aboutit-on en 1972 à l'entrée de la Grande-Bretagne avec d'autres pays dans ce marché commun et pourquoi cela se dénoue-t-il à ce moment-là, alors que ça n'avait pas été possible auparavant, selon vous ? Parce qu'il y a eu la volonté de Pompidou. Il y a eu le fait que la communauté européenne, c'est plus que le marché commun, la communauté européenne fonctionnait, était un succès. Et les Britanniques sont des gens qui sont très réalistes. Il y a le proverbe anglais, « If you cannot beat them, you join them ». Donc, ils n'ont pas pu nous battre, ils nous ont rejoints. Et je termine sur une chose. La démocratie britannique a une caractéristique qui n'est pas la même que la nôtre. C'est qu'avant qu'une décision soit prise, on se bat énergiquement si on est contre. Une fois que la décision est prise, on l'applique intégralement. Et vous avez d'ailleurs dit que les meilleurs Européens en matière de loi, par exemple, de respect de la législation européenne, c'était les Britanniques. Oui, parce que c'est devenu la loi. Chez nous, l'attitude vis-à-vis de la loi est quelquefois plus nuancée. Merci Georges Berthoin. C'était passionnant de vous avoir à notre micro pour évoquer ces rapports entre la Grande-Bretagne et le monde, et en particulier l'Europe, que vous connaissez si bien. Donc, entre 1950 et les années 70, on pourrait poursuivre la conversation sur d'autres sujets, puisque vous avez bien d'autres souvenirs à raconter et nous ne nous empêchons pas d'y penser pour d'autres émissions. Merci en tous les cas. Je remercie également Éric Roussel qui nous a permis de préparer dans l'urgence cette émission avec vous. Et puis, il faut citer toujours le très bon site de l'European Navigator, ENA.lu, ENA.lu, qui met à disposition de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Europe des documents, et je parle en particulier à ceux qui sont professeurs dans les lycées ou dans les collèges qui veulent justement illustrer par des documents visuels, sonores ou encore des documents papier leurs cours sur l'Europe. Eh bien, il y a sur ce site beaucoup de choses et entre autres une très longue interview de vous qui nous a permis également de préparer cette émission. Une interview qui dure plus de 3 heures, découpée en plusieurs morceaux, mais qui permet de voir tout votre parcours. Merci encore, Georges Berthoin. Demain, suite et fin de cette série de grands entretiens d'artisans de l'Europe à l'occasion du 60e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman. Nous pourrons entendre demain Sir Michael Palliser. Il fut le représentant de la Grande-Bretagne lors des négociations pour l'entrée dans l'Europe de ce pays, donc au tournant des années 60 et 1970. Et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de l'Europe, eh bien vous pouvez aller sur le site www.ena.lu, ENA.lu, un site luxembourgeois qui met à disposition de tous des grandes archives consacrées à la naissance et au développement de la communauté et de l'Union européenne.